must. You must get insane. Get insane. Get insane. Sache que de mon rap y'a pas de tabou. Crois pas que je rate ta bouche. Car je viens de Paname, pas de Napradou. Dans mon clip, pas de 4-4, dans ton 4-4, ni de tata. Ça 4 pas dans un tas de cadou. Je me dis ça va où allons. T'es du genre à faire la balance si tu passes par le ballon. C'était des capras, ta route. T'as sens c'est ta dame ici, Richard te mettait des tartes, daron. Car la respect passe par le pardon. Fais pas ta bonnie, moi j'suis pas ton claque paro. Sur ma vie t'auras pas de carrosse. Alors va faire la pute de luxe avenue Mac Mahon. Même si tu me dis j'ai des amis à moi. Car sur ce beat l'ami j'te déshabille à poil. Me demande pas ce qu'on fait car moi je te fais ce qu'on sait. Entre toi et moi y'a pas le même concept. Ok, ok. C'est shoot, Arthur, ça se loue. On te shoot à ta gueule, les shoot, l'Ilias dans le stouche. Dans le sud, c'est trafic de pute, de coq, de hal. On se move en scooter, notre rap par la source. Soudé les coudes, les dérages, les noms des doubles, t'es dérouté par le style 06 au surf. Sur le vogue de merde, les surfs, des schnecks, c'est cher où tu les checks dans une soirée où elle est pleine d'Heineken, et si t'as la chatte, elle te suce. On saute, crampette chez nos hôtes suisses. Ici, si tu portes la capuche, t'es louche. Et rien, j'essaye, je porte le chèche. J'kiffe la weed, le shit, j'touche pas la schnouf. Fuck, leur uniforme de scout. Leur égalité des chances me saoule. Tirement de souffle, c'est la coule douce. Avec le fric, je peux pas veuille sourd. Volontiers que je mette le feu aux poudres. Que chicle le liquide rouge. J'kiffe les lyrics de ouf. Au style inimitable, roots. Much inside, mon corps de lead. De beat, des rimes de face cool. OTT, yeah, en mixtape, au niveau. J'aime ça, au niveau. N'est pas un titre.